Chapitre 43e. Je recevais les félicitations d'Adélaïde quand mon domestique vint, d'un air effaré, me dire que quelqu'un me demandait. « Qui, Jasmin ?»« Monsieur, c'est lui. »« Qui, lui ?»« Le grand diable. »« Le grand diable ?» répéta M. de Bellecour en regardant Jasmin. « Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Poblas, de qui veut-il parler ?»« Mon père, je vais le recevoir. »« Pourquoi ce mystère ?»« Mon Dieu, c'est peut-être le capitaine ?»« Non, Poblas, restez. » Je l'embrassai lorsque le capitaine entra. « J'en vois deux, » s'écria-t-il avec un affreux sourire. « Laquelle est mademoiselle de Brumont ?» En lui montrant ma sœur, je répliquai. « Capitaine, celle-ci ne vous eut point avant-hier assis sur le balcon de la comtesse. » Cependant, Adélaïde se pencha à l'oreille du baron pour lui dire à mi-voix « Qu'il est laid, ce grand monsieur, il me fait peur. »« Laisse-nous, ma fille, » lui répondit-il. « Va faire un tour dans le jardin. » Avant d'obéir, elle vint à moi, les yeux pleins de larmes. « Mon frère, monsieur le baron ne vous a point enfermé. Oh, je vous en prie, souvenez-vous qu'il ne vous a point enfermé. » Quand ma sœur fut partie, le capitaine, qui n'avait cessé de me regarder avec beaucoup d'insolence, reprit. « Voilà donc ce chevalier de Poblas dont on parle. Comment cela peut-il s'être fait un nom dans les armes? Cela paraît n'avoir que le souffle. Quand c'est quelque chose de plus qu'une femmelette, ce n'est encore que la moitié d'un homme. » « Capitaine, asseyez-vous donc, vous m'examinerez plus à votre aise. »« Corbleu, tu prends le ton de la raillerie, je crois. Ne me connais-tu pas? Ignores-tu que le vicomte de Lignolles ne souffrit jamais le persiflage de tes pareils, ni leurs airs impertinents? Ignores-tu qu'il ne souffrit jamais un regard, un geste équivoque? Que les plus fiers ont devant lui perdu leur audace? Qu'il a sans peine immolé des hommes plus fameux, et qui surtout paraissaient plus redoutables? Enfin, il a tout dit. » « Capitaine, est-ce la coutume des braves comme vous d'essayer d'intimider l'ennemi qu'ils craignent de ne pouvoir pas vaincre ? Je suis bien aise de vous prévenir que cet excellent moyen ne pourrait pas vous être avec moi d'une grande ressource. « Corbleu ! » s'écria le vicomte, outré de colère. Il se fit pourtant quelque violence et, me prenant par la main, « Écoute, puisqu'il était possible qu'il se trouvât sous les cieux un jeune insensé, téméraire au point de déshonorer un frère que j'aime, et d'oser porter la main sur moi, et d'oser m'insulter en face, j'aime mieux que ce soit toi qu'un autre. Hé ! M'écriai-je en prenant mon tour sa main que je serrai fortement. C'est l'arrêt de ta mort qu'il vient de prononcer. Partons ! Partons, répéta mon père, et je vois que nous serons bientôt revenus. Nous commençâmes par aller chercher M. de Saint-Léon, collègue de capitaine, autre officier de marine, aussi traitable, aussi poli que son ami l'était peu. Cet honnête gentilhomme, en comblant mon père d'égards, en m'accablant de civilités sans nombre, désavouait assez les invectives et les bravades que M. de Lignolles ne cessait de vomir. Plusieurs fois même, il hasarda quelques paroles conciliatrices, mais on sent que toute médiation devenait désormais inutile entre le vicomte et moi. Tous deux, résolus à périr plutôt que de reculer, nous arrivâmes à la porte Maillot. Nous venions de mettre pied à terre. Déjà, mon adversaire avait la main sur son épée. Déjà la mienne était tirée. Tout à coup, plusieurs cavaliers, qui depuis quelques secondes nous suivaient au galop, fondirent sur le capitaine et l'environnèrent en criant « De la part du roi !» L'un d'eux lui dit « Monsieur le vicomte de Lignolles, le roi et nos seigneurs les maréchaux de France vous ordonnent de me rendre votre épée, et je dois, jusqu'à nouvel ordre, vous accompagner partout. » Le capitaine devint furieux. Cependant, il n'osa faire aucune résistance. « On ne te donne pas de garde à toi ?» me cria-t-il en se désarmant. « On compte sur ta sagesse. Tu as au reste des amis très prudents. Rends grâce à leur extrême vigilance. Elle te fera vivre quelques jours de plus, mais seulement quelques jours. Comprends bien ce que je te dis. » Je revins avec mon père, et comme nous passions devant la porte de Rosembert, alors seulement je me rappelais que ce jour même était pour mon heureux ami le jour même du lendemain des noces, et que je devais déjeuner avec la nouvelle comtesse. Je quittai le baron. Je me fis annoncer chez monsieur le comte. Il va me recevoir dans son salon. Rosembert, j'accours vous féliciter et je me rends à votre invitation. Pardon, me répondit-il, vous ne déjeunerez qu'avec moi. La comtesse est fatiguée, elle se repose. J'entends. Vous êtes content de votre nuit? Oui, oui, content. Mon ami, ce rire est forcé. Votre gaieté ne me semble pas naturelle. Qui peut troubler un méchant tour qui me vient de votre marquise? Je le parierai maintenant. Quoi donc? Je reçois à l'instant l'ordre de rejoindre. De rejoindre, moi aussi. Comment vous aussi? « Mon ami, je suis capitaine de dragons. »« Capitaine ? » A recevez mon compliment. « Embrassons-nous. »« Votre régiment n'en aura pas de plus jeune, de plus brave et de plus joli. » Voilà donc qu'enfin la marquise se décide à faire quelque chose pour vous. Ne vous ai-je pas dit depuis longtemps qu'avec du mérite on ne s'avançait encore que par les femmes? Je vous admire. Qui vous dit que c'est madame de B? J'avoue qu'il serait plus plaisant que ce fût son mari, s'écria-t-il. Je ne répondis rien. Il m'avait paru convenable de ne pas communiquer à monsieur de Belcour la lettre du marquis. Jugez si j'étais tenté de le montrer à Rosembert. Vous semblez avoir du chagrin, repris-je. Un peu. Cet ordre de partir, cela et autre chose, que je ne puis savoir ou qui ne vaut pas la peine d'être su. Mais encore, bon, une bagatelle, rien, moins que rien. Cependant, on me l'a dit 100 fois et je ne l'ai jamais voulu croire. Il est difficile que la plus belle humeur ne soit pas un moment altérée. Que voulez-vous? C'est un petit nuage qu'il faut laisser passer. Rosembert, vous parlez comme un oracle. Je reviendrai quand vous serez intelligible. Adieu. Adieu, Faublas. Au moins, vous voudrez bien présenter mes devoirs à la nouvelle mariée et l'assurer de mes regrets? Oui, oui, ce soir, vous la verrez. Je vous l'amènerai ce soir. Étourdi, je m'en allais sans même vous avoir demandé son nom. De mes anges, répondit-il. De mes anges? M'écriai-je. Eh bien, qu'y a-t-il qui vous étonne? Rien. Il vous a frappé, ce nom? Frappé? C'est que j'ai connu dans ma province un frère de cette demoiselle. Elle n'en a pas. C'était donc un de ses cousins. Adieu, mon ami. Non, chevalier, écoutez donc. Quand vous l'avez connu, ce cousin, avez-vous connu la cousine par hasard? Point du tout, pourquoi? Oh, pour rien. Tenez, Faublas, ayez de l'indulgence. Je suis aujourd'hui d'une bêtise amère. Je me hâtai de sortir pour que Rosembert ne vît pas sur mon visage trop de gaieté succéder à trop d'étonnement. Mon père m'attendait avec impatience. Comme j'entrais chez lui, je l'entendis qui disait à ma chère Adélaïde « Eh, malheureuse enfant, si cela était, me verrais-tu si tranquille ?»« Accourez donc, » me cria-t-il dès qu'il m'eut aperçu, « votre sœur se désole. Elle prétend qu'il vous est arrivé quelque malheur et que je le lui cache. »« Oh, mon frère, » s'écria-t-elle, « je serais morte si vous n'étiez pas revenu. Mais quand est-ce donc que vous ne vous battrez plus qu'à cause de Sophie ?»« À propos, » interrompit le baron, « je n'ai jamais songé à vous faire cette question que lorsque vous n'étiez pas là. Qu'est devenue, je vous prie, la lettre de monsieur du Portail ?»« Mon père, je l'avais gardée, je l'ai perdue à Montargis le soir que je me suis trouvé mal. C'est sans doute madame de Lignol qui l'a trouvée, mais je n'ai pas osé lui en parler. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne m'en ait jamais rien dit. » Le soir du même jour, Rosembert nous amena sa femme. D'un bout de l'appartement, madame la comtesse, reconnaissant ma sœur, qu'elle n'avait pourtant jamais vue, s'arrêta toute surprise. « Avancez donc, lui dit son mari, qui vous retient à cette porte ?»« Dame, lui répondit-elle en regardant toujours ma sœur, c'est qu'il me semble que la voilà. »« Qui ?»« Ah, dame, une demoiselle que je croyais ma bonne amie. Vous connaissez, mademoiselle ?» Pendant ce court dialogue, je me demandais ce que j'avais à faire pour empêcher la jeune femme de se trahir tout à fait. M'éloigner un instant, c'était livrer ma sœur aux dangereuses questions, aux reproches embarrassants de la comtesse, à qui je donnerai bientôt un nouveau sujet d'étonnement. À qui je donnerai bientôt un nouveau sujet d'étonnement, puisque je ne pourrais me dispenser de reparaître bientôt au salon. Je devais donc, tout au contraire, me hâter de me faire remarquer de madame de Rosembert, afin de lui rappeler ainsi les éclaircissements nécessaires, les prudents avis que la veille du mariage, madame d'Arminecourt avait probablement donné à l'innocente mademoiselle de Mésange. Ce fut le parti que je pris. Je me jetai devant elle et la saluai respectueusement. La comtesse fit alors un cri, laissa tomber ses bras, perdit toute contenance et, prête à se trouver mal, fut obligée de s'appuyer contre la porte. Cependant, elle ne cessait de promener ses regards, tantôt sur ma sœur et tantôt sur moi. Je voyais bien qu'elle était encore embarrassée de savoir qui de nous était sa bonne amie. « Voilà, dit Rosembert, une véritable reconnaissance. Fort singulière, tout à fait théâtrale. Mais il me semble que dans cette scène, d'ailleurs très amusante, ce n'est pas moi qui joue le beau rôle. » De l'autre côté, mon père murmurait tout bas. « Encore des quiproquos. Encore une aventure galante, je le parierais. » « Vous connaissez donc, mademoiselle ? » reprit le comte en montrant ma sœur à sa femme. Celle-ci, mal à propos, s'avisant de vouloir être fine, répondit « Ah, mon Dieu, non. D'abord, moi, je ne connais pas du tout mademoiselle de Brumont. » De Brumont, répéta Rosembert. Maudit soit donc l'infernal génie qui vous fait deviner son nom. Ainsi, continua-t-il en se frappant le front, plus de doute qu'une espèce de doute. Je suis déjà ce qui s'appelle un mari, un vrai mari. Je le suis, je l'étais même avant les noces. Le comment, je l'apprendrai peut-être quelques jours. Mon père se pencha à l'oreille du comte pour lui recommander de la modération. Songez que ma fille est là, lui dit-il. Vous avez raison, monsieur. Et je suis, je l'avoue, inexcusable. Moi, inexcusable, de faire tant de bruit pour une bagatelle. Mais vraiment, de quelque manière qu'on y puisse être préparé, on ne reçoit pas le coup sans crier un peu. J'ai du courage. Je ne vous demande qu'un instant pour m'en remettre. Tout à l'heure, vous me verrez parfaitement tranquille. Néanmoins, convenez que ce jeune homme peut se vanter d'avoir la plus maligne étoile, assez bonne pour lui, mais si fatale à tout ce qu'il approche. Il semble qu'il soit écrit là-haut que pas un de ses amis, pas un, n'y échappera. Il ne put s'empêcher d'interroger encore la pauvre petite femme. « Madame, vous n'avez vu mademoiselle nulle part ?»« Nulle part. Oh mon Dieu, non, pas même chez ma cousine de Lignol. » Ah, quelle fureur aussi de questionner quand on est sûr. Fort bien, madame la comtesse, fort bien, c'est assez. Le chevalier lui-même me dira le reste. À ces mots, le comte parut prendre son parti. Chacun s'étant assis, la conversation roula sur des objets indifférents. Cependant, la jeune mariée, qui parlait peu, me regardait beaucoup. Elle me regardait d'un air qui semblait annoncer que, s'il était encore un peu mécontente et étonnée de la manière dont j'avais entretenu ses erreurs en profitant de son ignorance, elle ne se sentait pourtant pas disposée à garder éternellement sa surprise et son ressentiment. Rosembert, pendant ce temps-là, se faisait une extrême violence pour dissimuler les inquiétudes que lui donnait l'attention soutenue dont il voyait sa femme honorée, et comme enfin la comtesse se mit à rire, il lui demanda pourquoi. « Dame, je ris parce qu'il rit, lui. »« Lui ? Lui, madame, et pourquoi rit-il, lui ?»« Dame, il rit peut-être de ce que... »« Ah, mais c'est ce que je ne peux pas vous dire. »« Dame, je ne sais pas de quoi il rit. » En vain, le comte voulut retenir un signe d'impatience. En vain, il essaya d'étouffer un profond soupir. Et puisque Rosembert mettait de l'amour-propre à ne pas laisser voir les petits chagrins que sa mésaventure lui causait, je crois qu'il était temps qu'il s'en alla. « Adieu, me dit-il, et sans rancune. Demain, dans la soirée, vous trouvera-t-on chez vous ?»« Oui, mon ami. Vous pouvez compter sur ma visite. »« Y viendrai-je avec vous ?» lui demanda sa femme. « Quelle question me faites-vous là ? » répondit-il d'un air assez détaché. « Ce sera comme vous voudrez. Je vous observe néanmoins que les jeunes femmes ne vont pas ainsi chez les garçons, tous les jours surtout. » Cependant, la comtesse allait descendre. Je lui présentai la main. « Ah, dame, je ne demande pas mieux, » dit-elle en serrant la mienne. « Mais c'est que pourtant je vous en veux beaucoup. Vous m'avez bien attrapé, au moins. »« Chut, chut !» s'écria Rosembert. « Madame, ces choses-là ne se disent pas quand il y a du monde, surtout quand le mari est là. » Tous deux partirent. Le lendemain, à 6 heures du soir, le comte vint chez moi, mais il n'amenait pas la comtesse. Au reste, il entra dans ma chambre en poussant de grands éclats de rire. « Tout cela est fort plaisant, » s'écria-t-il, « infiniment plaisant. »« Quoi ? Écoutez, ma femme m'a dit qu'avant de devenir ma femme, elle avait été votre femme. »« Cela n'est pas vrai. »« Comment ? C'est vous qui niez le fait ? C'est vous ?» Je l'interrompis vivement. « Monsieur le comte, un mot, je vous prie. Avant de me continuer vos insidieuses confidences, entendez-moi bien. Toutes vos questions sur une matière aussi délicate seraient, de quelque manière que vous puissiez les risquer, seraient, dis-je, absolument inutiles. Si le fait est faux, je ne suis point assez cruellement fat pour en excuser votre femme. S'il est vrai, je ne suis pas assez sottement indiscret pour l'avouer à son mari. » « Mais on ne vous prie ni d'avouer ni de désavouer. On demande seulement que vous écoutiez. Madame de Rosembert m'a raconté que vous aviez eu le bonheur de coucher avec la douairière d'Armincourt, que cette nuit-là, vous aviez quitté le lit de la marquise pour venir causer dans celui de mademoiselle de Mésange, qui bientôt avait cessé d'être demoiselle, mais sans le savoir, puisqu'après vous être comporté avec elle comme un très galant homme, vous l'aviez pourtant persuadée que vous étiez une fille. Chevalier, convenez donc que si la jeune personne m'a fait une histoire, elle en sait faire de jolie, et permettez que j'en rie. » Rosembert, loin de m'y opposer, j'en vais rire avec vous. J'ai pourtant, reprit-il d'un air un peu plus grave, une question à vous faire, avec les ménagements convenables. supposons, c'est une supposition, vous comprenez bien. Supposons que l'aventure vous fût arrivée. En auriez-vous fait la confidence à Madame de B ? Jamais. C'est ce que je pense. Qui pourrait donc le lui avoir dit ? Car mon mariage, il n'en faut plus douter, est un bienfait de la marquise, et comme je vous le confiais hier matin, parce que les découvertes de la nuit précédente me l'avaient déjà fait pressentir, c'était uniquement pour Madame de B qu'elle agissait, cette obligeante comtesse de X, qui me paraissait toute dévouée. Au moment même où je dotais d'un ample douaire la virginité de Mademoiselle de Mésange, à qui certainement il ne fallait rien pour cela, les deux puissances belligérantes annonçaient publiquement que leur rupture avait été simulée, et que c'était M. de Rosembert qui payait les frais de la guerre. Au reste, je suis obligé de le reconnaître, la marquise est vraiment noble dans ses vengeances. Quand elle m'a presque estropié de ce coup de pistolet, elle pouvait en recevoir un. Maintenant qu'elle me fait donner pour fille une demoiselle passablement femme, au moins elle a soin de dorer la pilule. Elle y joint, pour me consoler, 20 000 écus de rente. Chevalier, quand vous reverrez ma généreuse ennemie, remerciez-la de ma part, je vous en prie. Rendez-moi justice. Ajoutez que ma faiblesse n'a duré qu'un moment, qu'à présent je prends fort bien la chose. Foblas, venez-vous avec moi ? Où cela ? Je vous vois superbe. Comment, l'habit de cérémonie ? Faites-vous déjà des visites de noces ? Non, des visites d'adieu, puisqu'il faut que je parte demain. Et vous demandez que je vous accompagne ? Je soupe au faubourg Saint-Honoré. Nous mettrons pied à terre aux Champs-Élysées. Nous ferons quelques tours de promenade, nous causerons. J'y consens, pourvu que ce soit de Madame de Lignol. Très volontiers. Me voici désormais un mari comme 100 000 autres. Mais n'importe, je suis toujours du parti des jeunes gens contre les époux. Ainsi, je crois qu'il ne reste à l'infortunée comtesse d'autre ressource que de se retirer dans sa famille et de plaider en séparation, si M. de Lignol la tourmente. Quand Rosembert me parlait de la sorte, il faisait presque nuit, et nous nous trouvions aux Champs-Élysées, à peu près en face de la maison de M. de Beaujon. M. de B sortait de la maison voisine. Dès qu'il me vit, il vint à moi. Il retourna sur ses pas dès qu'il vit Rosembert. Celui-ci me dit « Il nous évite ». « Allons à lui. Ne laissons pas échapper une si belle occasion de passer un moment agréable. » Ce fut en vain que je m'efforçais de retenir Rosembert. Son malheureux sort l'entraînait. « Monsieur le marquis, vous nous fuyez ?»« Il est vrai qu'au moins je ne vous cherche pas, » lui répondit-il d'un ton fort sec. « En effet, beaucoup de gens m'ont assuré que vous me gardiez de vifs ressentiments. Je vous avoue que je suis très curieux et très impatient de savoir les raisons. Croyez-vous que je me gênerais pour vous les dire ?» « Bonjour, monsieur le chevalier, » continua-t-il en me donnant la main. « Hier, vous avez dû recevoir de Versailles. »« Oui, son brevet, » interrompit Rosembert. « Il l'a reçu. »« Je l'ai reçu, monsieur le marquis, et je suis bien sensible à cette preuve de votre... » Le comte, à son tour, m'interrompit. « Foblas, c'est monsieur qui l'a demandé pour vous ?»« Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il là qui doit vous faire rire ?»« Quoi, monsieur ? Madame la marquise, de son côté, ne l'aurait pas un peu sollicité ?»« Pourquoi non ?» La marquise est une excellente femme, disposée à rendre service à tout le monde, vous exceptez. J'en demanderai toujours la raison. La raison ? Monsieur le comte, quand on se croit aimable au point de ne pas rencontrer de femme qui résiste, et qu'on en rencontre une sage, vertueuse, pleine d'amour pour son mari. Pardon, j'en connais tant comme celle-là que je ne sais de laquelle vous me parlez. De la mienne, monsieur. De la vôtre ? De la vôtre, oui. Quand on la rencontre, on échoue. On échoue, sans doute. Alors il faut prendre patience. Vous en parlez fort à votre aise, vous, monsieur, qui n'échouez jamais. Point de mauvaise plaisanterie, monsieur le comte. Je n'ignore pas que vous avez été plus heureux que moi, près d'une demoiselle. D'une demoiselle ? Ah oui, près de mademoiselle Duportail. Duportail, ou point Duportail, vous avez beau ricaner. Au moins pour m'en venger, moi je n'ai pas fait de bassesse. Ce que vous avez fait à ma femme, monsieur. Eh bien, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait à votre femme ? Voyons, si vous le savez. « Si je le sais. » Le lendemain du jour que Mademoiselle de Foblas avait couché dans le lit de la marquise, « Mademoiselle de Foblas, êtes-vous sûr ?» Je m'approchai de Rosembert et lui dis tout bas, « Mon ami, prenez garde que votre gaieté devienne excessive. Et du moins, j'ose vous en supplier, ne compromettez pas Madame de B. » Le marquis, cependant, continuait. « Le lendemain, pour vous venger, vous avez ramené chez ma femme le frère sous les habits de la sœur. Voyez comme je suis malin. » s'écria le comte en éclatant de rire. « De quelle espièglerie je me suis avisé contre Madame la marquise. Voilà pourtant de mes tours, voilà, je crois. » interrompit avec beaucoup de véhémence M. de B, qui s'animait visiblement. « Je crois qu'il ose encore se moquer de moi. » « Monsieur le comte, non content de cette première perfidie, vraiment, quand je m'en mêle, vous avez encore eu la méchanceté noire ?»« Diantre, ceci devient sérieux. »« Oh, très sérieux. Et rira bien qui rira le dernier, monsieur de Rosembert, car je n'aime pas les airs persifleurs, je vous en préviens. »« Ni moi les airs menaçants, monsieur le marquis. Mais voyons. Voyons d'abord la méchanceté noire. »« Oui. » »« La méchanceté noire de prendre occasion de la présence du jeune homme déguisé pour faire à ma femme, devant moi, la scène la plus impertinente et la plus affreuse. » Oh, je le reconnais maintenant. Je suis un malheureux, un vrai démon, un roué. Riez, riez, monsieur. Mais puisque vous avez exigé cette explication, et qu'au lieu d'avouer vos torts, vous comblez la mesure, apprenez ce que je pense de votre conduite envers la marquise. Je la crois indigne d'un homme d'honneur. Et tout à l'heure, ajouta-t-il en portant la main sur son épée, tout à l'heure, vous allez m'en faire raison. Il est fâché tout à fait fâché. Je ne vous reconnais plus, monsieur le marquis. J'avais, moi, toujours vu sur votre figure, excepté pourtant certaines matinées où vous vouliez à la porte maillot tuer le chevalier et le baron, et le comte et tout le monde, excepté ce matin-là, j'avais toujours vu sur votre figure que vous étiez le plus doux, le meilleur des hommes. À ces mots prononcés du ton le plus moqueur, monsieur de B, transporté de colère, mit l'épée à la main. Averti par je ne sais quel pressentiment funeste, je ne pus me défendre de quelque émotion à la vue de se faire ennemi, de se faire vengeur, qui devait dans un instant se rougir du sang de Rosembert et bientôt après, d'un sang plus précieux. Je me jetai sur Rosembert. Alors, pour se dégager de mes bras, Rosembert, toujours en riant, fit très lestement quelques pas en arrière, et du même temps il revint sur M. de B, l'épée à la main. Ils se battirent vigoureusement, ils se battirent pendant quelques minutes. Ah, que de malheur m'eût épargné la défaite du marquis. Ce fut le comte qui succomba. « Le ciel est donc juste ?» s'écria M. de B. « Périssent ainsi tous ceux qui m'outragent, tous ceux qui portent une physionomie trompeuse. Je vais le plus tôt possible, ajouta-t-il, envoyer ici les secours nécessaires. Restez auprès de lui. Voyez pourtant ce que c'est qu'une figure, comme la sienne est déjà changée. » Il s'éloigna. Le comte, étendu par terre, me fit signe de me baisser pour l'entendre et me dit d'une voix très faible « Mon ami, je suis grièvement blessé. Je ne crois pas que cette fois j'en revienne. Faublas, assurez au moins à Madame de B que je ne suis pas mort sans avoir éprouvé le sincère repentir de mes cruels procédés contre elle. Cruel. Plus que vous ne pensiez, Faublas. Il est trop vrai que... » Rosembert ne put achever, il perdit connaissance. Je tâchais, avec plusieurs personnes attirées par le bruit du combat, je tâchais d'arrêter le sang de mon malheureux ami quand les chirurgiens arrivèrent. On se hâta de le transporter chez lui. Quel spectacle pour sa jeune femme! La plaie fut examinée. Nous n'obtâmes des chirurgiens que cette réponse inquiétante. On ne peut rien dire que le troisième appareil ne soit levé. Je rentrai chez moi, l'imagination remplie de funestes images. Mon père, il est mourant. Qui? Monsieur de Rosembert, le marquis vient de lui donner un affreux coup d'épée. Le marquis ? Répondit le baron. Puisse-t-il au moins n'en plus donner à personne ? Cet événement triste et fatal, fatal. Il va ramener sur vous l'attention générale. Oh, mon frère, me dit Adélaïde, en adoucissant par de tendres caresses sa réflexion cruellement juste. Mon frère, je ne sais pas précisément quelle conduite vous tenez, mais je vois depuis quelque temps qu'il ne vous arrive que des malheurs.